Wen, c'est ton cul, moi, que je veux, moi. Qu'est-ce que tu croyais? Viens pas chialer, personne n'aimera, non, si ce n'est moi. Dans trafic, pas très Renoir, tu ne trouveras pas mon zebla. Y'a ton crew qui sait qui je suis. Dans moi, la joue, faut bien que je m'essuie. OG, on connaît OG, il est de l'école ou la zombie. J'aime toujours pas les condés, car condés n'aiment pas ce qu'on est. Je viens ton mariage en training pour bien te manquer de respect. Car depuis qu'on se connaît, non, jamais tu ne m'as fauné. Ben ouais, à part hier quand j'ai ses bères. Donc t'étonnes pas que je respecte elle. Ben ouais, à part hier quand j'ai ses bères. Donc t'étonnes pas que je respecte elle. Enculé de fils de putain, aucun soutien, je me souviens. Et toi la petite salope, tu me parles de tes loups boutins. Ma grand-mère te dit va te faire. Ça ne m'étonne pas car elle ne respecte elle. J'envoie tous les jours, loin dans son U, qu'elle a plus d'un tour. Du mandat d'eau pour ce que j'ai fait, qu'ils aillent se faire enculer de loin et de près. Je suis fort dans l'enculade de trous de cul et tralala. Je ne comptais jamais changer. Après tout ton point, je ne sais pas trop où il en est. Tu te fais baiser par qui veut la mettre. Je fais dans la méditation pour oublier, ça n'a jamais rayonné. Stress et tribulation me rayonnaient. Que je fais de la monnaie, parle pas trop de tes rêves. Ces fils de lâche ne voudront pas que t'y arrives. Te noyeront avant que t'atteignes la rive. N'aime pas voir négro sommet. Dame c'était dame soïse. Je n'ai qu'en train d'agoniser. Négro même carbonisé. Je pisserai toujours sur les Champs-Élysées. Je suis dans le mood de finir au Louvre. Parce que quand je l'ouvre, je peins avec les mots. J'irote une douze dans le Hello. J'écoute des prods et j'écris des couplets. La vie c'est simple, c'est pour la vie. Dans les enceintes règne ma zik. Personne ne parle, mais tout le monde flippe. Crache à buccal de fumée de shit. Plus dans le mélique, dans le mélo. Sachant que Mélie, c'est le nom de sa go. Qu'elle l'a mise en bouche comme un marshmallow. Fallait pas faire le choucré,